Afrique, depuis tout à l'heure, ils sont en train de casser le drone. Ouais. D'ailleurs, attends. J'ai envie de faire un test parce que je sais pas. Cris, tu peux mettre le retour vite fait public? Retour dans l'oreille. Vas-y. Attends. Merci. Ils sont en train de casser. Mais attends. Le sang. Attends. Parce que mon côté gauche, le sang, c'est le pire, c'est celui-là. Ah, vous me régalez ou non? Je vais t'expliquer. Non, mais j'avais pas compris en fait. J'avais pas compris. Ah, l'équipe à droite, là, en haut, tout là-haut, tout en bas, on va tout niquer là. Ah. Là, on va tout niquer, on va diviser la salle en deux là. On va les laisser commencer. On coupe en deux. On coupe en deux. Droite, gauche. On te laisse commencer, Maras. Vas-y. Je commence. La gauche, je pas les gars. Regardez bien. La gauche, régalez-moi. Vas-y, c'est moi l'arbitre. Allumez tous c'est les flashs. C'est moi l'arbitre. C'est au milieu, moi. Oh. Ah, c'est trop. Ah, attends. Vous connaissez? Écoutez bien. Amnésia, je te fume quand je stresse. J'avoue. La gauche, regarde ce qu'on va te faire. La gauche, elle est bouillante. Hein. L'équipe, à 3, on nique tout, on leur montre un peu. Tu es chaud, Dec? Elle se frotte à gauche, elle se frotte à droite. Elle fait la mac, fait lui mettre une droite. Elle se frotte à gauche. Elle se frotte à droite. Allez la droite. Mac, fait lui mettre une droite. Regarde tout ça folle. Ah la folle. Folle, fait lui mettre une droite. C'est beau. Bon, à la vérité. C'est beau. À la droite, la gauche. Hein, je vous dis la vérité. Qui a gagné? Moi je pense. La vérité, on va. Je pense ex aequo. On est ensemble. Faire le mec. On est ensemble. Je pense ex aequo. Mais après, moi, il y a quelque chose que vous avez vu. Vous avez vu une vidéo qui tournait à chaque fois dans mes concerts. Et c'est celle-là qui. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez, ça fait. Attends, non, mais pour ça, je peux pas. Il est où mon téléphone? Ah, ça filme? Tu peux me chercher mon téléphone, s'il te plaît? Celle-là, on la fait pas comme ça, celle-là. Max. Ouais, pour de bon. Avec mon petit téléphone, en direct d'Insta. Tranquillou. Ça arrive, hein? Ça arrive, on est sur le coup du téléphone. Sinon, ça va, on passe du bon temps, tout le monde est bien, tranquille. Merci. Je vous vois, sachez que je vous vois partout. Hein. Bon. Je vous vois tous. Hein. Là, ça va péter. Et là, merci bien. Oh là là. On va se mettre sur Insta. Alors, attends. Tac, tac. Ok. Ok, Insta. Ok. Alors, le vélodrome, vous êtes chaud, c'est comment? Ah, la connexion. Aïe, j'ai pas la cour. Ah, 4G, non. C'est bon. 4G. C'est bon. Regardez, je mets en direct là. Attendez. Ils ont des difficultés attends, pour démarrer. Attends, le sort. Attendez. Comment, tu es pas dans le direct, attends. Je suis en direct là. C'est ça? Vérification de la connexion. Bon, je pense que ça va être fin la connexion. Vous savez ce qu'on va faire? On va filmer. Je vais filmer direct. Pour de bon, celui-là, je suis obligé de le filmer. Je suis obligé d'être là, dans le moulon. Celui-là. Ça fait. Tout le monde est chaud, hein? Attends, je filme pas? Je suis un fadeur, moi. Attends. Normal, on est à la maison pour de bon. Tranquillou. Ça y est, ça filme. Alors attendez. Hein. Fais voir un peu déjà. C'est un rêve. Hein. Ah, c'est un rêve, ça. Je vous le souhaite à tous, ce rêve. La vérité. Bon, les gars, on s'est discuté, ça fait. Cache la peau avant la droite. Cache la peau avant la droite. Arrête. Il y a quelque chose. Aïe. Cache-la-peu. Aïe, ça va, c'est de la CBD, monsieur. Ils ont pété l'autre. Non, c'est bon, c'est chopé. Ah, ils m'ont fait courir la douane. Hein. Ah. Heureusement, on a taffé le cardio, mort de rire. Hein. J'espère vous passer une bonne soirée, l'équipe. Ah ouais, c'est trop. Incroyable. Bon, les poteaux, ils sont pas là. J'espère qu'ils sont pas fait avoir. Hein. Je crois qu'on va partir ensemble.